littérature, théâtre, danse, cinéma, exposition, musique, performance, graphisme, architecture, création sonore, philosophie, linguistique, écologie, science, on parle de toutes les cultures dans Rien à voir quoique sur Campus FM 94 FM. Bon. Hey. La lumière rouge s'est allumée, je ne l'avais pas vue. Bonsoir et bienvenue dans Rien à voir quoique sur Campus FM ou en replay, où vous voulez, quand vous voulez. Nous sommes le jeudi 22 mars, il est 18h. Ce soir, nous avons l'immense plaisir de recevoir Agathe Darama et Joris Ragel. Elle est chanteuse et harpiste, il est guitariste, ils sont toulousains. Le nom du groupe porte le nom de la chanteuse, Agathe Darama. Le quartet est aussi composé de Guillaume Gendre à la contrebasse et Benjamin No à la batterie. Tous les quatre, je cite, distillent leur musique au cœur de multiples influences, proposant une folk envoûtante et puissante. Et ce soir, dans Rien à voir quoique, vous allez pouvoir les écouter en live dans nos studios avec une formation réduite au chant et à la guitare. Rien à voir quoique, Edgar a hélas disparu de l'émission depuis de nombreuses semaines et nous le regrettons. Bonsoir Edgar, où que tu sois, mais Lou est en direct avec nous ce soir. Salut Lou. Bonsoir Anna. Et puis Hugues nous rejoindra plus tard dans les studios pour une chronique musicale. François est à la réalisation technique de l'émission. Merci François. Et on est ensemble jusqu'à 19h dans Rien à voir quoique, en direct sur le 94 FM à Toulouse. C'est tout de suite l'humeur de Lou. Lou, une humeur particulière, on va dire, ce soir. Oui, bon alors d'abord, bonjour tout le monde. Alors moi, ça va super bien aujourd'hui, je sais pas, je me sens bien, je me sens heureuse, je me sens vivante, quoi. Et c'est bien pratique puisque mon sujet en ce beau jeudi, c'est la mort. Alors la mort, plutôt la cérémonie catholique de l'enterrement. Alors la dernière fois que j'y étais confrontée, en fait, bien sûr, pas personnellement, enfin je veux dire que je n'ai pas vu de mes propres rétines la dite mort, de quelque forme qu'elle soit, j'y étais confrontée car elle a frappé de son sort une personne proche de mon rayon de connaissances personnelles, rayon dans lequel mon chat occupe la première place, moi-même la deuxième, puisque j'entretiens un rapport schizophrène avec la fille qui est à côté de moi. Ah non, pardon, c'est moi. Cette personne morte donc a donc été enterrée. Jusqu'ici, rien d'anormal, enfin, rien d'anormal en apparence, devrais-je dire, durant l'intégralité de la cérémonie dite rite catholique. Et c'est peut-être ça que j'ai trouvé malaisant. Alors malaisant, Anna, hein, ça veut dire quand on se trouve mal à l'aise, quoi, je veux dire. Simplement. Voilà. Tout simplement. J'avais alors 15 ans quand je découvre l'univers impitoyable de l'enterrement catholique. C'était un lundi, jour de pluie bien sûr. Si je ferme les yeux, j'entends encore les gouttes ruisseler sur le pare-brise avant de venir faire ploc, ploc, ploc sur le siège arrière de cette Peugeot RC bleu nuit, jantalu, vitre teintée, poste radio incorporé, je plante le décor là. En ce lundi de deuil donc, je revois certains proches que je n'ai pas vus depuis longtemps. C'est ça qui est bien quand on enterre quelqu'un, on se rappelle que d'autres sont vivants. Alors impossible de lancer un « bon et toi, comment tu vas ?» puisqu'au mieux il te répond « bah ouais, je viens d'enterrer ma mère quoi ». Et au pire, rien et tu te sens un peu bête d'avoir posé la question. Et puis est venu le temps des cathédrales, ah non pardon, je sautais une ligne. Ah oui voilà, et puis est venu le temps de la cérémonie dans la cathédrale, enfin dans l'église quoi. Et là, pendant que le prêtre débite de façon monotone un passage de la Bible, un autre monsieur passe dans les rangs de bancs où les gens, têtes baissées et lunettes noires, n'osent à peine regarder le cercueil qui leur est présenté. Et puis là, d'un coup d'un seul, je remarque cet homme étrange et ma mère, qui se met péniblement à chercher quelque chose au fond de son sac, elle panique, s'essuie une joue ruisselante, puis replonge la main dans son sac. Là, je vois le monsieur, un peu gêné, je suis désolée, j'ai pas de monnaie. Le bruit du fond du sac de ma mère réveille les endormis des bancs de derrière et fait se retourner ceux de devant. Ma mère lève la tête de son sac en prenant conscience que la moitié de l'église la regarde. Moi, gênée, je jette alors un regard glacial au monsieur qui fait la quête. Si ça n'avait tenu qu'à moi, je me serais levée et aurais sitôt hurlé. Ça va pas bien, non? T'aurais pas pu trouver un autre moment plus opportun pour venir nous piller? Vous êtes bizarres, vous les cathos. Et ça choque personne. Tout le monde était là. Bah ouais, c'est normal, il fait la quête, il fait la quête. Pour la peine, je te donnerais même pas mon sou juste pour ton manque de délicatesse. Mais bon, gênée, je ne savais juste plus où me mettre. Bref, la cérémonie continuant, le doute s'installe. À quel degré suis-je légitime d'être triste? Là, je commence à faire une espèce d'arbre généalogique de la douleur dans ma tête, me mettant à classer comme ça, par ordre croissant, les personnes les plus légitimes à être en deuil. Alors les enfants en premier, quand même, eux, ils ont le droit d'être vraiment, vraiment tristes. Et puis le mari, oui, 40 ans de vie commune, quand même, oui. Après, ça se dégrade un peu quand même, les nièces, les petits-neveux, les frères de la sœur du père qui s'est marié, bref. Alors moi, je suis loin dans l'histoire, je fais pas partie de la famille, mince. C'est pour ça que personne ne me parle. Allez, concentre-toi, Lou, c'est un enterrement quand même, arrête de divaguer. Je tente par tous les moyens de me faire entendre raison, mais impossible. Des voix s'entremêlent. T'as pas envie de pleurer, c'est bizarre. Bah vas-y, pleure, qu'est-ce que t'attends? Pleure. Si tu pleures pas, ça veut dire que t'es même pas triste, tu culpabilises, hein, tu culpabilises. Prendre l'air triste au mieux et encore, une autre voix me dit « Mais non, c'est normal, tu sais, on réagit pas tous pareil face à la mort. Et puis c'est culturel, ici on porte le deuil en noir et on pleure, mais c'est pas partout pareil. » Finalement, on a tous fini par manger un morceau en évitant de parler de la dite défunte, mais aussi en évitant de trop parler de nous-mêmes. En fait, moi, j'ai surtout évité de parler tout court, puisqu'après avoir posé la dite question à cet ami, « Bah toi alors, comment ça va ?» et qu'il m'ait répondu « Bah, je viens d'enterrer ma mère, quoi. » Garder mon rôle d'observatrice fut dès lors la meilleure alternative envisagée. Merci Lou. Avec plaisir. Oui, et puis au-delà des ennuis, on ne peut pas vivre impunément sans être marqué par le passage du temps. Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Alors, tel à mon habitude, je cite, « Parti s'imprégner des rythmes de la Nouvelle-Orléans et... » Adoubé par la grande Didi Bridgewater à leur retour, le quartet, Agathe Darama oscille entre groove et harpe blues, entre contrebasse rock et envolée de guitare saturée, le tout couronné d'une voix suave et particulière. Sorti en 2017, le tout premier EP d'Agathe Darama, Seven Times, est un projet intimiste où se mêlent blues, folk, psychédélique et trip-hop acoustique. Seven Times, je cite encore, évoque le passage à l'âge adulte, la nostalgie de l'adolescence, couplée à un recul mature, écrit tel une confidence imagée, nonchalante et mélancolique. Tout de suite, on va se mettre dans l'ambiance et on va écouter Here We'll Die en écho à l'humeur de Lou ce soir par Agathe Darama dans Rien à voir quoique, avec Agathe Darama au chant et à la harpe, Joris Ragel à la guitare et au lap steel, Guillaume Gendre à la contrebasse et Benjamin No à la batterie. Thank you. On vient d'écouter le morceau « He Will Die » par Agathe Darama, sorti en 2017, sur leur premier EP « Seven Times ». Bonsoir Agathe Darama. Bonsoir. Joris Ragel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans Rien à voir quoique. Je veux dire que c'était un plaisir de préparer cette émission en ayant votre son dans les oreilles. Agathe Darama, vous avez une formation musicale classique. Ouais. Vous avez fait vos débuts au sein du groupe Azad Lab. Alors, il est écrit 92 concerts en 2 ans. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais. Et puis, vous avez aussi travaillé dans la fratrie de Dawa Deluxe ainsi que d'autres formations en tant qu'invité ou choriste. Ouais, en featuring, comme on appelle ça, en collaboration ponctuelle. Et c'est en 2014 que vous initiez votre projet Seven Times, hein, et c'est en 2015 que le quartet prend forme, donc c'est assez récent, ouais. Suite à la rencontre avec Joris Ragel sur un banc. Donc là, il faut que vous nous racontiez ce qui s'est passé. Parce que c'est 2 minutes sur un banc avec toi, Joris. On le refait quand tu veux. Hein. Ouais. Tu racontes ? Allez, je raconte. J'étais allé jouer de la guitare au parc de Jolimont, donc juste à côté d'ici, et puis... Et je vois quelqu'un qui passe comme ça, qui s'arrête à côté de moi et puis qui commence à chantonner. Puis moi j'étais en train de jouer de la guitare, je faisais pas trop attention à ce qui se passait autour de moi. Il a surtout pas dit bonjour quand je lui ai dit bonjour. Voilà, je l'ai pas entendu dire bonjour. C'est ça, ouais. Et puis à un moment j'ai entendu juste ça. Et là, je me suis dit... Une claquement de doigts. Elle s'est tapée dans ses doigts. Et alors après j'ai commencé à y prêter attention et puis elle s'est mise à chanter. Et puis ah mince ça. Et puis voilà. Et puis moi je l'aimais bien, je trouvais que c'était un garçon très sympathique et très talentueux, et du coup je lui ai dit bah voilà, j'ai des compos poussiéreuses que je bosse depuis 2013-2014, est-ce que t'es partant pour les jouer, les arranger, les pousser au maximum avec moi? Et du coup on a commencé ça ensemble avec à l'époque Tom Turtle, qui est le percussionniste de l'EP Seven Times. Que vous avez rencontré où, lui? Alors du coup ça c'est plus ancien encore, c'est un copain de longue date. Et du coup on a formé une petite équipe comme ça pour enregistrer l'EP. Et de rencontre en rencontre, d'EP en EP, ce projet a commencé à prendre de plus en plus d'ampleur et d'ambition en fait. Joris Ragel, vous êtes diplômé de musiques actuelles au Conservatoire de Toulouse en 2014. Ouais. C'est assez récent aussi. En 2012, vous avez fondé votre premier groupe professionnel qui s'appelle Weeping Widows. Ouais. Ça veut dire veuves éplorées. Alors, je sais pas s'il faut traduire. Pourquoi ce nom? C'est une longue histoire. C'était une blague sur le fait qu'on nous disait partout où on jouait, oh, vous faites du blues, ça va être triste. Et on faisait une musique assez festive, on faisait un blues très dansant, et ça nous faisait toujours rire de s'entendre ramener à ça, et du coup on a dit on va leur faire un pied de nez, on va s'appeler Les Veuves Éplorées, notre premier album s'appelait Epitaph. Et vous continuez de jouer dans ce groupe? Non, on continue à jouer ensemble avec l'harmoniciste avec qui je jouais sur des projets de temps en temps, mais le groupe en tant que tel n'existe plus, lui là. Maintenant il joue en solo, il a un spectacle là, tout seul. Alors vous êtes guitariste et puis vous jouez aussi du lap steel. Ouais, tout à fait. Qui est un instrument qui se joue à plat. Mmh. Pourquoi cet instrument, quel son il a de particulier? C'est pas évident à dire. C'est une guitare qui est faite d'une seule pièce de bois, qui est donc beaucoup plus résonante. Le son va durer beaucoup plus longtemps que sur une guitare traditionnelle. Et c'est un morceau qui se joue avec un bottleneck. Donc je peux faire entendre très rapidement. Là où avec une guitare, naturellement, on va jouer ça. C'est une guitare folk, donc je vais utiliser un bottleneck comme je l'utilise sur le lap steel. Donc au lieu de jouer ça, je vais me retrouver en possibilité de faire ça. Donc le bottleneck, c'est le truc que vous avez mis sur votre annulaire? Tout à fait, cette petite pièce en métal, ça veut dire coup de bouteille en anglais. C'était fait avec des bouteilles de bière au départ par les bluesmen. Et dans les morceaux, comment vous choisissez de jouer de la guitare ou du lap steel? Ça va dépendre de l'ambiance du morceau. C'est un instrument qui va avoir une connotation assez blues. Et ça va être vraiment en fonction de la volonté d'Agathe, suivant qu'elle veut ramener quelque chose de plus folk ou de plus, on va dire, boueux. Ouais, rock, roots quoi. Mmh. Vous pouvez jouer des deux instruments sur un même morceau ou il y a... Je le fais sur un des morceaux. Ouais, c'est chaud. Ça fait des grosses sueurs, quoi. Tom Turtle, lui, il est percussionniste, il est cajoniste, alors El Cajon. C'est une petite caisse nomade rectangulaire, on peut s'asseoir dessus, au départ c'est péruvien. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a de particulier aussi comme sonorité, cette Cajon? C'est surtout Tom Turtle qui est particulier. Il n'est pas là ce soir, dommage. Non, il est pas là ce soir, mais on lui fait un gros bisou. Parce que donc, la petite histoire, c'est que suite à l'EP, on a voulu s'entourer d'un batteur. Pour toutes les possibilités que ça pouvait ouvrir. Et sur l'EP, on voulait quelque chose d'assez acoustique, semi-acoustique. Et ce Tom Turtle, ce fameux, quand il joue du Cajon, il arrive vraiment à le sublimer. Et notamment, en fait, en frappant avec des fagots. Donc, on va voir la paille, le son de la paille venant frapper cette caisse en bois. Et les deux mélangés vont vraiment créer un son... intéressant, d'autant plus qu'il a une super oreille et a fait un super arrangement rythmique, parce qu'il est aussi percussionniste et joue de plein d'autres choses. On lui doit le tom bass et les gros coups de cymbales sur le morceau Visitor, qui est le dernier de l'EP, par exemple. Agathe Derama, est-ce que c'est votre voix qui vous a donné envie de chanter? Parce que moi, j'aurais une voix comme ça, je ferais de la radio peut-être. Comment on découvre sa propre voix? En chantant les œuvres des autres, en essayant de chanter les siennes. Surtout, ça venait pas d'une volonté de communiquer des sensations, celles que me procurait le chant en chantant. En fait, je me suis pas posé la question de si j'étais légitime ou pas, en fait, vocalement, à chanter. J'avais juste besoin de le faire, quoi. Et des choses à dire, qu'elles soient écrites ou qu'elles soient ressenties musicales, quoi, pure et dure. Votre nom, Agathe Derama, c'est votre nom? Oui. Et il vient d'où? Je viens de contrées obscures de mon adolescence, parce que c'est un nom que j'ai décidé d'adopter à l'adolescence. Et donc vous avez gardé ce nom pour ce quartet? Je l'ai modifié et j'ai voulu garder le da, parce que le da vient de the en anglais, et ayant de grosses influences hip-hop, en fait, en plus du blues et du rock et de plein d'autres choses, c'était une façon pour moi d'y amener un peu cette influence-là. Donc voilà, c'est une combinaison, c'est devenu mon nom. Voilà. Alors votre premier EP, Seven Times, je l'ai dit tout à l'heure, mais ce sont 7 morceaux pour 7 étapes d'apprentissage de la vie. Ouais. La mort, on l'a écouté tout à l'heure, l'amour, l'éveil, l'héritage, l'amitié, le silence et le départ. Parce que le chiffre 7 vient du Agakure, le livre secret des samouraïs, alors ça, je ne connaissais pas du tout. Ouais. Ce sont des maximes philosophiques écrits par Joko, j'ai fait du japonais mais je ne sais plus comment se prononce le CHO, Yamamoto, qui est paru en 1716. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cet Agakure? Alors, c'est pas à moi de le dire, je pourrais pas le résumer lors de cette conversation. En fait, le Agakure, je l'ai découvert grâce à un film de Jarmusch, Ghost Dog, en fait, dans lequel il est énormément cité. Et il y a notamment un paragraphe qui m'a énormément marqué lors de la vision de ce film. En fait, c'est qu'on doit... Que le samouraï, il doit prendre... une décision en 7 respirations au risque de s'endormir. Et 7 times, donc 7 temps, c'était justement tout le message qu'il y avait derrière. C'est je passe de l'adolescence à l'âge adulte et j'ai 7 morceaux pour le faire, en fait. Du coup, au risque de m'endormir dans ma propre vie. Donc c'est un peu... c'est vraiment sur cette transition-là. C'était ma question. Est-ce que c'est une philosophie de vie ou juste un fil conducteur pour votre premier EP? Ou les deux? Les deux, mais ça touche plus à une période, en fait. À la période d'une vie. Justement, ce moment où on sent que le temps file, quoi. Et qu'on a assez cette respiration pour décider quel adulte on va être, quoi. C'est un peu ça. Vous êtes singer and songwriter. C'est vrai qu'en anglais, yeah, c'est pas mal. Donc c'est vous qui composez les morceaux. Pas tous. Pas dans leur totalité. Du coup, en effet, j'ai proposé pas mal de morceaux de l'EP. Joris, Guillaume et Tom à l'époque, puis Benjamin maintenant à la batterie, on fait un très gros travail de réarrangement. Les morceaux ont vraiment plus rien à voir avec les maquettes guitare-voix dégueulasses faites sur Logic Pro que je leur ai envoyé à l'époque. D'ailleurs, je les remercie d'avoir fait confiance au projet parce que ça aurait pu en décourager plus d'un. C'est pas vrai. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous êtes d'accord avec ça, Joris? Non, pas du tout. J'ai rencontré quelqu'un sur un banc avec qui j'ai sympathisé. On m'a proposé de faire un projet. Je me suis dit oui, bon, c'est très bien. J'avais déjà des groupes et tout ça. Et puis un jour, quelques jours après, elle m'a dit bon, ben voilà, j'ai ces morceaux là chez moi que j'ai traficoté. Et puis j'ai écouté, je faisais un autre truc, j'écoutais. Et au bout du troisième morceau, je me suis arrêté, j'ai remis au début. J'ai réécouté une troisième fois, je me suis mis à pleurer. Et je me suis dit bah non, mais tu vas arrêter tout ce que tu fais et tu vas jouer avec elle plutôt. Trop mignon. Et voilà, il fallait qu'on passe à Campus pour se faire des déclarations d'amour. Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Bah oui, vous avez répondu à ma question. Et vous écrivez en anglais, ouais. Mais vos textes veulent dire quelque chose. Est-ce que c'est embêtant parfois que le public français ne comprenne pas ce que vous racontez? D'une certaine manière. Après, je pense qu'on essaie de le communiquer par le biais du son, en fait, de la texture, des images provoquées par le son, la musique même. Hein, je parle vraiment des musiciens dans un premier temps, et puis le chant. Je pense que même sans comprendre les paroles, je suis la première à avoir écouté de la musique, notamment afro-américaine, à pas en saisir le sens réel, mais à comprendre l'intention. Du coup, je pense que c'est vraiment ce qu'on essaie de faire, c'est d'insuffler des sentiments, des sensations lors de notre set dès qu'on joue de la musique, en fait. Donc c'est surtout ça le principal. On a la volonté, en tout cas pour ma part en tant qu'auteur, de développer l'aspect francophone. Ça va prendre son temps. Ça va être bien. Alors, vous avez été sélectionné au tremplin Les Inouïs dans le cadre du Printemps de Bourges, ouais, par un jury composé de 35 professionnels. Alors, Les Inouïs, je le rappelle, c'est un dispositif national et professionnel dédié à l'émergence artistique. Chaque année, ce sont près de 3500 artistes qui s'y inscrivent et seulement une trentaine d'entre eux se produisent au Printemps de Bourges. Alors, un grand bravo à Gad Darama. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de pression sur ce tremplin? Ouais. Il y en a eu. Déjà, je tiens quand même à clarifier le propos. On a été retenu sur les auditions régionales des Inouïs du Printemps de Bourges. On a donc, à l'issue de ce tremplin, on n'a pas été retenu sur la scène inouïe au Printemps de Bourges. On ira quand même. on vous en parlera juste après. Ouais. Mais pas dans le cadre des Inouïs. Pour ce qui était des Inouïs. En effet, savoir qu'on était, on faisait partie des 8 groupes sélectionnés en région pour représenter la région à Bourges, ça a déjà été une super nouvelle en soi. Et ce qui a été plus difficile, c'était d'ouvrir le bal sur cette soirée-là. Donc le 2, c'était le 2 février. Le 3. 2 et 3, il y avait. 3. Mmh. C'était le 3 février au club de Rodez, et on était le premier groupe à commencer à jouer. On avait 30 minutes pour dire ce qu'on avait à dire, et devant un public majoritairement professionnel, qu'en plus on connaissait un peu. Donc parfois, les pros, il vaut mieux ne pas les connaître. Dans ce genre de cas. Ouais, parce que beaucoup de pression, et c'était notre premier gros tremplin aussi, et on est un très jeune groupe, et plus on va jouer, et moins on sera stoppé entre guillemets par ce genre de ressenti. En attendant le Printemps de Bourges, j'ai d'autres dates en avril, mai, juin, juillet, août. Je vous propose de vous installer. Alors Agathe, ça vous est installé? Joris, ça va? Quelques digidings, accords peut-être. Pour jouer 3 morceaux en live. C'est le premier live de Rien à voir quoique, j'espère qu'il y en aura d'autres. Dans les studios de Campus FM, Agathe Darama est au chant, Joris Ragel à la guitare, et vous interprétez un premier morceau de votre premier EP, il s'appelle Soundcastle. On écoute. petit peu froid sur Toulouse en ce moment, les guitares elles aiment pas trop. Les gens non plus d'ailleurs. Les gens non plus. Donc le morceau qui va suivre s'appelle donc Sandcastle, c'est le tout premier de l'EP. C'est un des premiers morceaux que j'ai écrit pour cette EP. Et il parle de la loi du silence. So some trill and ring a bird I'm sleeping on this grave. He let in my throat, I hope he'll come back to wake me out one day. I see myself acting, the hymnals in my mouth, the armor is to the end and cracks the buttress. How could I say that my spirit is an impregnable fortress? Deepless slumbers learn to be silent, little thing hunger engenders violence. The desert doesn't reserve good maidens that you call as love and in despair. So some trill and ring a bird I'm sleeping on this grave. He let in my throat, I hope he'll come back to wake me up one day. No, in as the words we don't you speak, each word of each state's pieces of the lamb between the teeth. When they're smiling. So some trill and ring a bird I keep it in my chest, in listening to the dews at me in silence. We finally at rest. We finally at rest. You must be silent, oh. You must. Listen, listen, yeah. Listen what's around you. Oh, in my song, guess so. On va enchaîner avec un second morceau de cette EP, il s'appelle Sleeping Beauty. Sleeping Beauty. Agathe la belle Darama. Au bois dormant. Encore un petit coup d'accord. Et sur oui. Campus FM. Oui, parce que sinon dans ça rien serait à trop voir, simple. Quoique. Pour les amateurs. Pouvez-vous mettre debout, Agathe, ça va, assise? Ouais, très bien. Ok. Très bien. Dans les nouveaux locaux temporaires de Campus. C'est ça. Le morceau suivant, c'est une espèce d'histoire d'amour, mais plus exactement une histoire de rupture, qui parle d'une belle endormie dans sa relation, qui en avait marre d'être endormie dans sa relation, et qui un jour a décidé de se réveiller, et se réveiller, ça nécessitait de rompre. Don't look at me with those eyes. so many wings barking on my mind, but my head looks behind. Just a little, I remembering claiming to be cute, but nothing's more pervert than the best. I speak with a tie, and I leave you away from me. Not enough love and so much we like the sleeping beauty. I don't want yours in all my lifetime. The waking up's hard. Eyes, and I want to say, in the mileage we caught a fly, there's one break again. There's signatures on my skin, fade when I cry. When I Joris, on a l'impression d'une percussion de votre guitare. On a vraiment l'impression qu'il y avait une percu à côté, alors que pas du tout. Vous tapez sur votre... Enfin, vous... Oui. Oui. Et c'est... vous tenez votre manche. Alors, à la radio, c'est pas facile à décrire, mais pas par en dessous, par au-dessus. Ouais, c'est pour gagner de la force musculaire. Donc, pour pouvoir faire ce que je faisais, j'ai une main qui est chargée de taper sur la caisse de la guitare. Donc, ceci. Main droite, ouais. Et notre main qui est chargée d'appuyer sur les cordes. Pour gagner un peu de force, effectivement, je mets le coude par-dessus la guitare, ce qui me permet donc de faire ceci. Démo. Chers auditeurs, hein, vous avez tout compris. Agathe Darama, pour votre troisième morceau en live, vous avez choisi une exclusivité pour nous, pour la radio, en duo. Donc c'est une cover de J.B. Lenoir, Alabama Blues, pardon. Racontez-nous. Alors c'est un morceau qu'on a choisi aujourd'hui, parce que donc en quartet, on joue principalement des compositions. C'est pas un morceau qu'on a l'habitude de jouer à quatre en live, mais c'est un morceau qu'on a par contre jouer à deux quand Joris et moi-même sommes partis 2 mois à la Nouvelle-Orléans en 2017. Jouer dans la rue, ne le dites surtout pas à la douane, merci. et du coup, c'est la première fois qu'on pouvait jouer tous ces morceaux-là, notamment anglophones, dans un pays qui l'est, qui comprend directement le propos. Et en plus, c'est un morceau qui a une très lourde signification. Et je vais laisser Joris peut-être expliquer en quoi c'est le cas. C'est un morceau qui a été écrit donc dans les années 40 par J.B. Lou Noir, et il raconte une histoire vraie, celle de sa famille. Il faut savoir qu'une bonne partie de sa famille a été tuée en Alabama par la police. Au moment où on y était, c'était le début du règne de Trump. Oui. ça prenait forcément une résonance assez particulière. En même temps, en France, on entendait de loin les échos d'une histoire qui était tristement semblable à celle-là. À ce moment-là, ça nous a paru très important de continuer à raconter cette histoire-là, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on se dit que c'est un morceau qui a 70 ans, c'est une histoire qui continue de s'écrire. Mmh. Et c'est important pour nous de le chanter. Vous êtes prêts ? Quasiment. J'ai pas terminé de réaccorder ma guitare, excusez-moi. Pour jouer le morceau que je jouais avant, il faut que je change d'accordage. Voilà, me voici revenu à la normale. Donc on écoute ce morceau Alabama Blues. To Alabama, that is not a place for me. I never will go back to Alabama. That is not a place for me. My sister and my brother, and the whole world, and people go down there free. I never will love Alabama. Alabama seemed to never have love for me. Alabama seemed to never have love for me. Oh God, I wish you would rise up one day and lead my people to the land of peace. Officer, shut him down. My brother was taken up from my mother, and the police officer shut him down. Oh, I can't have it to see them cry sometimes. My poor brother lost his life tonight. Oh, Alabama, oh, Alabama, why you wanna be so mean, yeah? my freedom away from me. Comprend bien les paroles assez. C'est une histoire qu'elle raconte, cette chanson, vraiment. I never go back to Alabama, je pourrais pas revenir à Alabama. The police officer shut him down. Ils ont carrément. La police a tué son frère. Sa mère. Et c'est un des rares bluesman, en fait, qui était à cette époque-là autant politisé de façon aussi claire. On a une histoire par rapport à ce morceau, alors qu'on le jouait une fois dans la rue à la Nouvelle-Orléans. Il y a un homme qui passait et qui crie à Agathe, mais qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi le problème avec l'Alabama? Alors Agathe lui dit attends, tu vas voir. Et la rengaine revient plusieurs fois et puis petit à petit il se calme et puis il écoute. Et à la fin de la chanson, il nous dit ah ouais je sais, ah ouais, ah c'est dur, ah ouais, ah non mais t'as raison, on n'y retourne pas. Et en fait, bon, tout le long de la chanson, sachant que le début c'est I never will go back to Alabama, il disait Why? That is not a place for me, but tell me why! Et vraiment, il comprenait pas pourquoi on voulait pas, jusqu'à ce que, comme Joris vient de le dire, jusqu'à ce qu'on développe tout ce que JB Lenore voulait dire dans sa chanson, et sachant qu'il n'a pas pris de détour à aucun moment pour parler de violence policière, de ségrégation. Rien à voir, quoique. www.campusfm.fr. Agathe, elle danse sur les jingles, c'est super. Merci beaucoup pour ce live envoûtant, émouvant, dans Rien à voir, quoique. Et je vous invite donc à poser vos instruments et votre voix pour continuer notre conversation. Alors, Agathe Darama, vous êtes leadeuse du groupe, hein, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Est-ce que c'est vrai? C'est tout à fait vrai. Okay. Donc ça veut dire aussi que vous faites la communication, la diffusion, la gestion, en tout cas au début, peut-être moins maintenant, comment ça se passe? Moins maintenant, mais en effet, quand on est un jeune groupe en développement, on doit être couteau suisse. Et du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup géré, Joris et moi, au début de l'aventure, à essayer de trouver des dates par nos propres moyens jusqu'à ce qu'on tombe sur notre sauveur bien-aimé, manager de l'amour, Yann Dabiz, qui travaille... Une association Primary. Oui, Primary. Dont fait partie Manon, qui est... À Campus FM. Qui est dans les locaux ici même, ouais. Bisous. Et donc Primary fait notamment de l'événementiel et s'occupe entre autres du management de Agathe Darama et de Princesse Thaïlande, les copains avec qui on était en finale aux Inouïs du printemps de Bourges et qui eux ont été sélectionnés sur la scène Inouï. Vous avez un producteur aussi, Pollen Prod? C'est nouveau? Alors c'est tout récent et ça suit son cours et ça plante des graines. Pour enregistrer Seven Time, vous avez fait un lancement, un financement participatif, pardon, un crowdfunding, ça a plutôt bien marché. Ouais, tout à fait. Et ça a permis d'enregistrer l'EP à Toulouse. Ouais. De faire le clip. Alors non. Non. Non, parce que on a sans pourtant communiquer tous les chiffres. On a voulu mettre des moyens quand même dans l'enregistrement de cette EP. Donc on l'a fait au studio de l'imprimerie pour les musiciens qui chercheraient un endroit où enregistrer. C'est un très chouette studio géré par Serge Faubert avec une chouette acoustique et tout un tas de matos. Serge Faubert à qui on envoie beaucoup d'amour. Oui, plein d'amour Serge, plein. Donc le studio de l'imprimerie est situé à Musical. Donc au sein des locaux de l'ancienne usine Job vers les Sept-Deniers. Et on l'a fait masteriser à Globe Audio à Bordeaux par Alexis Bardinet, qu'on vous conseille vivement aussi. C'est vraiment un super technicien. On lui fait des bisous aussi. On lui fait des bisous, plein d'amour, hein, que de l'amour. Et du coup, bah, bien sûr, le pressage, tout ça, ça engendrait des frais. Donc heureusement, grâce à notre entourage proche on a pu récolter la somme nécessaire pour en financer le plus gros. Il y a un second EP, un album ? Alors ça se réfléchit. Voilà. On y pense. Ouais. Le premier album le premier EP était plein de sens pour Agathe. C'était vraiment quelque chose qui a été réfléchi, maturé pendant plusieurs années. Je pense que tu auras besoin aussi de prendre du recul par rapport à tout ça, et ça va demander un certain temps de produire un album qui aurait autant de sens que celui que tu as déjà écrit. Surtout qu'on va l'écrire ensemble. T'as un scoop, Floris. Bah oui, j'y compte bien. Hein. Je rappelle juste que EP, parce qu'on sait plus ce que ça veut dire, c'est juste Extended in Play, c'est un format musical plus long que le single et plus court qu'un album. Ouais. Là c'est un album. Non, en fait. C'est un EP, c'est un EP parce que c'est moins de 23 minutes et par rapport à la réglementation c'est donc un EP. D'autant plus que il n'a pas été distribué. Vous pouvez le trouver à la fin de nos concerts et on serait ravis de vous le donner en main propre et de discuter avec vous à la fin des concerts. C'est donc un EP. Merci beaucoup à Agathe Darama et Joris Ragel d'être venus faire un tour dans Rien à voir quoi que. Je rappelle que le quartet d'Agathe Darama, c'est aussi Guillaume Gendre à la contrebasse et Benjamin No à la batterie. De l'amour. Aussi. Je rappelle vos prochaines dates de concert. Alors je m'arrête en juin parce qu'il y en a des tonnes. Donc le prochain c'est le 30 mars à l'Astronef à Toulouse, ouais. 16 avril au Printemps de Bourges, le 2 mai vous êtes invité à la soirée Clutcho 26, ouais. Pas le 16, au Printemps. Et puis vous avez une date au festival Grain de Sel. Ouais. Ça c'est le 20 mai. Ouais, c'est le même soir que IBI pour les fans du duo IBI. Dont moi. Ok. Et puis vous êtes au Bikini à Ramonville, ça c'est le 1er juin dans le cadre du Week-end des Curiosités. Ouais. Et il y a d'autres dates prévues cet été, un petit teasing. On va pas trop vous en dire parce qu'on est en train de dévoiler nos dates du printemps. Donc avant de tout vous dire sur l'été, on peut quand même vous lancer sur la piste. Il y a des chances qu'on soit sur l'affiche de festivals plus ou moins importants en région cet été. Notamment un festival qui se veut être un festival de guitare. Et on peut vous écouter sur SoundCloud ou Bandcamp. Et puis vous êtes bien sûr présents sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas tous les citer. Et vous êtes évidemment présents sur la playlist de Campus FM depuis quelques temps. Merci encore à Agathe Darama et Joris Ragel. Je remercie aussi Yann Dabiz de l'association Primary, votre manager, à la préparation de cette émission. On sépare avec un morceau court parce qu'on est un peu en retard de Didi Bridgewater, le temps que Hugues s'installe. Un morceau que vous Didi Bridgewater, que vous aimez beaucoup. Elle chante en français Les feuilles mortes, The Autumn Leaves. Tu vois, il y a des bises. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. Ce temps-là, la vie était si belle, et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois. Je n'ai pas oublié. Écoutez The Autumn Leaves, les feuilles mortes par Didi Bridgewater. Les secrets de Titus et le dépositaire. Oh putain, c'est en vert. On parle de toutes les cultures, n'ont rien à voir quoi que. Ils sont affreux ces costumes. Sur Campus FM, 94 FM. Hugues. Bonjour Anna. Es-tu prêt ? Oui, mais bien sûr, toujours prêt. Moi, comme je te disais, j'ai traversé la ville, j'ai préparé ma chronique, tout ça. En ce temps de grève sans ouais, bus. Ouais, bah, j'ai quand même réussi à en avoir un, tu vois. Donc je suis content, j'ai réussi à me rendre à Croix-Dorade sans trop de difficultés finalement. Et tant mieux. Donc aujourd'hui, moi je vais vous parler de George Benson, puisque le guitariste et chanteur de jazz a 75 ans aujourd'hui. Il a été influencé par d'autres gratteux du genre, notamment Wes Montgomery ou Grant Green. On lui doit le hit funk Give Me The Night, sorti en 1980 et qui fait toujours danser la planète entière. Il a été samplé par le groupe I.A.M. sur le tube Le Mia en 1993, un autre hit qui continue à faire danser. Alors je sais pas si ça fait danser la planète entière, mais en tout cas ça fait danser pas mal de gens en France toujours. George Benson, il a enregistré une soixantaine d'albums, sans compter les disques des organistes comme Brother Jack McDuff ou Lonnie Smith auxquels il a collaboré, pour ne citer que cela. Évidemment, dans sa longue discographie, tout n'est pas à sauver, mais il y a des pépites qui tiennent l'épreuve du temps, comme ce sublime Changing the World, ou c'est The Changing of the World, si je ne m'abuse. The Changing World, je crois. Oh, The Changing World, alors. Décidément, on va y arriver. De 1974, sorti sur l'album Bad Benson, via le label CTI. Voilà, un titre également samplé dans le rap, dans la musique rap, et notamment par le producteur No ID, pour le classique I Used to Love Her, de Common. Et donc on écoute ça tout de suite, The Changing World de George Benson sur Campus FM. Thank you. l'heure de se quitter sur ce magnifique morceau de George Benson, dont c'est l'anniversaire. Happy birthday, George. Un grand merci encore à nos invités Agathe Darama et Joris Ragel pour ce live envoûtant, émouvant. Merci Alou. Merci à toi Anna de me laisser dire des bêtises à la radio. Merci Hugues qui dit lui ne dit jamais de bêtises. Ah, ça, à la radio. À part hors micro, ouais. À part hors micro. Mais non, mais moi j'étais content de fêter l'anniversaire de George Benson. Même si on n'a pas écouté Give Me the Night, mais ça, les gens l'écoutent tout le temps. Les gens l'écoutent tout le temps. On n'est pas dans Rien à voir quoi que. On l'écoute jamais, ouais, assez, je crois. C'est vrai, mais Rien à voir quoi que, c'est l'émission des possibles, j'ai envie de dire. Ouais. Voilà, c'est l'émission, on parle de théâtre expérimental, en même temps on parle de Give Me the Night de George Benson. C'est 360 et c'est ça qui me plaît. Voilà. Merci François à la réalisation technique de l'émission, surtout particulièrement ce soir avec ce live émouvant, je l'ai déjà dit, envoûtant. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver le replay de cette émission sur le Mixcloud de Campus FM ou la page Facebook de l'émission Rien à voir quoique, dès demain à l'aube. Belle soirée sur les ondes de Campus FM avec Open Close dans quelques instants.